Martin Guerre, deuxième partie. Il était minuit quand les époux, restés seuls, furent libres de s'abandonner à leur tendresse. Bertrande avait peine à revenir de sa stupeur. Elle ne pouvait en croire ses yeux, ni ses oreilles. Elle revoyait là, près d'elle, dans la chambre nuptiale, l'époux qu'elle avait perdu depuis 8 années, celui qu'elle avait pleuré, celui que, quelques heures auparavant, elle avait cru mort. Dans la révolution soudaine causée par tant de joie, succédant à tant de chagrin, elle ne retrouvait plus assez d'énergie pour manifester au dehors ce qu'elle éprouvait. Ses sentiments confus pouvaient difficilement se faire jour, et son cœur ne lui fournit pas d'expression, tant son trouble lui ôtait l'usage de la réflexion et de la parole. Lorsqu'elle commença pourtant à se calmer, lorsqu'elle vit plus clair dans son âme, elle s'étonna de ne point sentir auprès de son époux cet élan d'amour qui, la veille encore, allait le chercher si loin. C'était bien lui, c'était bien ses traits, c'était bien l'homme qu'elle avait choisi, auquel elle avait donné volontairement sa main, son cœur, sa personne. Et cependant, il lui semblait en le revoyant qu'une barrière de froideur, de honte, de pudeur même, la séparait de lui. Le premier baiser qu'il lui donna ne la rendit pas heureuse. Elle rougit et fut attristée. Étrange effet d'une longue absence, elle ne pouvait définir quel changement le temps avait apporté dans l'aspect de cet homme. Sa physionomie avait pris un caractère plus rude. Les lignes du visage, l'enveloppe extérieure, la personne physique enfin, n'étaient qu'à peine altérées. Mais l'âme semblait avoir changé de nature. Les yeux n'avaient plus le même regard. Bertrande avait reconnu son époux, et cependant, elle hésitait encore. Ainsi Pénélope, après le retour d'Ulysse, attendait qu'un gage certain confirmât le témoignage de ses yeux. Et il fallut pour se faire reconnaître que le mari absent lui rappela des secrets dont elle seule était instruite. Lui, cependant, comme s'il se fût rendu compte des sentiments de Bertrande, comme s'il eût deviné quelque secrète défiance, employa les expressions les plus tendres et les plus affectueuses, donnant à sa chère Bertrande tous les noms d'amitié qu'une habitude intime avait autrefois consacrés entre eux. « Ma reine, lui dit-il, ma belle colombe, votre ressentiment ne s'effacera-t-il point à ma vue? Est-il si vif que ma soumission ne puisse l'adoucir et mon repentir ne trouvera-t-il pas grâce à tes yeux? Bertrande, Berthe, et comme je t'appelais encore, Bertranille. » Elle voulut sourire et s'arrêta, étonnée. Les noms étaient bien les mêmes, mais l'inflexion de la voix était changée. Il pressa les mains de sa femme dans les siennes. « Les jolies mains, reprit-il, ont-elles conservé mon anneau ? Oui, le voilà. Et à côté, l'autre bague, le saphir que je te donnais le jour de la naissance de notre Sanxi. » Bertrande ne répondit pas, mais elle prit doucement l'enfant et le remit entre les bras de son père. Martin prodigua les caresses à son fils et lui parla du temps où il le portait tout petit et tout faible encore, l'élevant à la hauteur des fruits de son jardin, pour qu'il pût y atteindre et y mordre. Il se rappela qu'un jour, des ronces sauvages avaient blessé cruellement le pauvre enfant à la jambe, et il s'assura, non sans attendrissement, que la marque y était encore. Bertrande fut touchée de cette affection vive et de ses souvenirs. Elle s'en voulut à elle-même de sa réserve, et se rapprochant du père de son enfant, elle laissa tomber sa main dans celle de Martin, tandis qu'il lui parlait ainsi avec douceur. « Mon départ t'a laissé dans l'anxiété, je m'en repens aujourd'hui. Mais que veux-tu ? J'étais jeune, j'étais fière, et tes reproches étaient si injustes. « Ah ! Dit-elle, tu te rappelles encore la cause de notre querelle ? Cette jeune rose, notre voisine, à qui tu prétendis que je faisais la cour parce qu'un soir tu me trouvas avec elle devant la fontaine du petit bois. Je t'expliquerai que le hasard seul avait amené cette rencontre. D'ailleurs, Rose n'était qu'une enfant, mais tu ne voulus pas m'écouter. Et dans ta colère... Ah, pardon, pardon, mon ami, interrompit-elle toute confuse. Dans ta colère aveugle, tu pris je ne sais quel objet qui se trouvait sous ta main, et tu me le lanças au visage. De là cette blessure, ajouta-t-il en souriant et en montrant son sourcil droit. Cette blessure dont je porte encore la cicatrice. Ô ciel ! S'écria Bertrande, pourras-tu jamais me pardonner ? Tu le vois bien, répondit Martin en l'embrassant. Tout émue, elle releva les cheveux de son époux et regarda la trace que la blessure avait laissée sur son front. « Eh, mais, dit-elle avec surprise mêlée de crainte, cette cicatrice paraît encore toute fraîche. « Ah, reprit Martin avec un peu d'embarras, c'est que, dernièrement, elle s'est rouverte. Mais je n'y songe plus, n'en parlons jamais, Bertrande. Je ne veux pas d'un souvenir qui pourrait te faire craindre d'être devenu moins cher à mes yeux. » Il la tira sur ses genoux. Elle s'en défendit doucement. « Renvoie ton fils, lui dit Martin. Demain, il aura des preuves de ma tendresse. Mais aujourd'hui, toi, Bertanille, toi d'abord. » L'enfant embrassa son père et sortit. Bertrande revint se mettre à genoux près de son mari et le regarda fixement avec un sourire mêlé d'inquiétude. Cette attention extrême parut déplaire à Martin. « Qu'avez-vous donc encore ? » dit-il. « Pourquoi m'examiner ainsi ? » ?»« Je ne sais, mon ami, mais pardonne, ah, pardonne. Le bonheur de te revoir était si imprévu. Il me semble que c'est un rêve. Je ne puis m'y accoutumer si vite. Laisse-moi encore quelque temps pour me recueillir. Souffre que je passe cette nuit en prière. C'est à Dieu que je dois d'abord offrir ma joie et ma reconnaissance. Non, interrompit l'époux, en passant ses bras autour du beau cou de Bertrande et en caressant ses longs cheveux. Non, c'est à moi que sont dues les premières pensées. Après tant de fatigues, mon repos, c'est à vue. Mon bonheur, après tant d'épreuves, c'est ton amour. Voilà l'espoir qui soutenait mes forces, et j'ai hâte de m'assurer, moi aussi, que ce n'est point une illusion. Et il voulut la relever. « Oh ! Murmura-t-elle, je t'en prie, laisse-moi. »« Quoi donc ? » s'écria-t-il avec quelque colère. « Est-ce ainsi que vous m'aimez, Bertrande ? Est-ce ainsi que vous me conservez votre foi ? Ne dois-je pas douter plutôt du témoignage de vos amis ? Ne dois-je pas craindre de l'indifférence ? Ou même, quelque autre sentiment ? Oh, monsieur, vous me faites injure, dit la jeune femme en se relevant. Il la saisit dans ses bras. Non, non, je ne croirai rien qui puisse t'offenser, ma belle reine, et j'ai confiance dans ta foi. Comme jadis, tu le sais, lors de mon premier voyage, quand tu m'écrivais ces lettres si tendres que j'ai toujours conservées depuis. Les voilà. » En disant ces mots, il tira quelques papiers sur lesquels Bertrande put reconnaître son écriture. « Oui, poursuivit-il, je les ai lus et relus. Vois-tu, tu me parlais alors de ton amour et des chagrins de l'absence. Maintenant, pourquoi ce trouble et cette espèce d'effroi ? Te voilà toute tremblante, comme ce jour où je te reçus des mains de ton père. C'était ici, dans cette chambre. Resté seul avec moi, tu me conjurais aussi de m'éloigner, de te laisser passer la nuit en prière. Mais j'insistais, tu te rappelles, je te pressais sur mon cœur, comme à présent. Oh, murmura-t-elle faiblement, de grâce. Mais ses paroles furent étouffées par un baiser. Le souvenir du passé, le bonheur du présent, reprirent tout leur empire. Les craintes chimériques disparurent, et les rideaux retombèrent sur le lit nuptial. Le lendemain fut un jour de fête pour tout le village d'Artigues. Martin alla rendre visite à tous ceux qu'il avait reçus la veille. Ce furent des reconnaissances et des embrassades sans fin. Les jeunes gens se rappelaient qu'il les avait fait jouer étant petits. Les vieillards, qu'ils avaient assisté à ses fiançailles lorsqu'ils n'avaient que 12 ans. Les femmes se souvenaient d'avoir porté envie à Bertrande. Et parmi elles, la plus jolie de toutes, la fille de maître Marcel l'apothicaire, Rose, qui avait excité tant de jalousie dans le cœur de la pauvre femme. Rose savait bien que cette jalousie n'était pas tout à fait injuste, car Martin lui avait adressé ses hommages, et elle ne le revit pas sans quelque trouble, car maintenant, mariée à un riche bourgeois, vieux, laid et jaloux, elle comparait en soupirant son triste sort à celui de son heureuse voisine. De leur côté, les sœurs de Martin le retinrent chez elles et lui parlèrent des jeux de leur enfance, de leur père et de leur mère, morts tous deux en Biscaye. Martin essuya les larmes que leur arrachaient ses souvenirs du passé, et il ne fut plus question que de se réjouir. Des repas furent donnés et rendus. Martin réunit à sa table ses parents et ses anciens amis. La gaieté la plus franche y régna. On remarqua seulement que le héros de ces fêtes bachiques s'abstenait de boire du vin. On lui en fit des reproches. Il répondit que, depuis les blessures qu'il avait reçues, le soin de sa santé lui défendait tout excès. Il fallut bien admettre cette excuse, et ce qui résulta des précautions prises par Martin, c'est qu'il conservait toute sa tête et tout son sang-froid, tandis que les autres s'abandonnaient aux folles inspirations de l'ivresse. « Ah ! » s'écria l'un des convives qui avait étudié dans les livres de médecine. « Martin a raison de craindre les boissons spiritueuses. Les blessures les mieux cicatrisées peuvent se rouvrir et s'enflammer par suite de l'intempérance. Quant aux gens qui ont des plaies récentes, le vin leur sert de poison mortel. On a vu sur le champ de bataille des blessés mourir en 2 heures pour avoir avalé quelques gouttes d'eau-de-vie. » Martin Guerre pâlit et entama une conversation avec la belle Rose, sa voisine. Bertrande s'en aperçut, mais elle ne témoigna aucune inquiétude. Elle avait été trop punie de ses premiers soupçons pour se livrer encore à la jalousie. D'ailleurs, son mari lui montrait tant d'amour qu'elle devait être bien rassurée. Les premiers temps passés, Martin Guerre songea à mettre ordre dans ses affaires. Sa fortune était un peu compromise par sa longue absence. Un voyage en Biscaye était nécessaire pour qu'il rentrât dans les biens qui devait lui appartenir et sur lesquels la justice avait déjà mis la main. Il lui fallut plusieurs mois pour obtenir, moyennant quelques sacrifices bien placés, que la chicane lui rendit les champs et la maison de son père. Quand il eut réussi, il revint à Artigues et se disposa également à rentrer en possession des biens de sa femme, et ce fut à ce sujet qu'un matin, 11 mois environ après son retour, il vint trouver son oncle Pierre. Celui-ci s'attendait à cette visite. Il fut très poli et fit asseoir Martin, l'accabla de compliments, tout en le regardant avec attention pour sonder ses pensées. Et il fronça le sourcil en découvrant que son neveu était venu avec une détermination bien arrêtée. Martin fut le premier à rompre le silence. « Mon oncle, dit-il, je viens vous remercier du soin que vous avez pris en mon absence des biens de ma pauvre femme. Elle n'aurait jamais pu les faire valoir par elle-même. Vous en avez touché les revenus pour les conserver à la famille. C'était d'un bon parent. Je n'attendais pas moins de votre affection. Me voilà de retour et libre de toute affaire. Maintenant, comptons, s'il vous plaît. » L'autre toussa et raffermit sa voix avant de répondre. Puis, il dit avec lenteur, en mesurant ses paroles, « Tout est compté, mon cher neveu. Grâce au ciel, je ne vous dois rien. Comment ? » s'écria Martin, stupéfait. Ses revenus ? Ses revenus ont été bien et dûment employés à l'entretien de votre femme et de votre enfant. Quoi ? 1000 livres pour cet usage ? Et Bertrand de vivait seul, si simple, si retiré. Allons, ce n'est pas possible. Le surplus, reprit l'oncle, avec impassibilité. Le surplus a servi à payer les frais des semences et des récoltes. Quand le labeur des gens de campagne est à si bas prix... Voici ma note, dit Pierre. Et cette note est un mensonge, s'écria le mari de Bertrande. Pierre crut convenable de paraître offensé et de se mettre en colère. L'autre, déjà exaspéré par cette mauvaise foi évidente, le prit sur un ton encore plus haut. Il parla de faire un procès. Pierre menaça de chasser l'insolent qui venait le braver dans sa maison, et joignant le geste à la parole, il le prit par le bras pour le faire sortir. Martin, furieux, leva la main sur lui. « Sur ton oncle, malheureux !» Martin s'arrêta, mais en sortant, il murmura quelques reproches mêlés d'injures, parmi lesquels Pierre distingua ces mots. « Vous êtes un faussaire !»« Voilà un nom dont je me souviendrai !» s'écria le vieillard vindicatif en fermant sa porte avec violence. Le procès fut intenté par Martin Guerre par devant le juge de Rieux. Quelque temps après, il intervint une sentence qui, statuant sur les comptes présentés par Pierre, les déclara inexacts et condamna l'administrateur infidèle à payer à son neveu 400 livres par chaque année. Le jour où cette somme fut arrachée à son coffre-fort, l'ancien usurier laissa échapper un cri de vengeance. Mais... jusqu'à ce qu'il pût satisfaire sa haine, il fallut la dissimuler et répondre par un sourire amical aux avances de rapprochement qui lui furent faites. Ce fut 6 mois après, et à l'occasion d'un événement heureux, que Martin remit le pied dans la maison de son oncle. Les cloches célébraient la naissance d'un enfant. Il y avait fête au logis de Bertrande. Tous les amis réunis sur le seuil de la demeure de la couchée n'attendaient plus que la présence du parrain pour mener le nouveau-né à l'église, et des cris de joie s'élevèrent de toutes parts lorsque le vieux Pierre, conduit par Martin, s'avança un bouquet au côté et prit la main de Rose, la jolie commère. Bertrande se réjouit de cette réconciliation et s'abandonna aux idées les plus riantes. Elle se trouvait si heureuse. Elle était bien dédommagée de ses longs ennuis. Ses regrets étaient apaisés. Ses soupirs les plus ardents étaient exaucés. L'intervalle qui séparait son ancien bonheur de son bonheur présent s'effaçait à ses yeux comme si la chaîne n'eût jamais été rompue. Elle aimait son mari, plus peut-être qu'elle ne l'avait jamais aimé. Il se montrait plein d'affection pour elle et elle se sentait pleine de reconnaissance. Enfin, elle ne se souvenait plus de ses chagrins que pour mieux goûter par la comparaison la joie nouvelle que le ciel lui avait envoyée. Le passé pour elle était sans ombre, l'avenir sans nuage et la naissance d'une fille, en resserrant encore le lien qui l'unissait à son époux, s'offrait à elle comme un nouveau gage de félicité. Pauvre femme, l'horizon qui lui semblait si pur allait s'assombrir de nouveau. Le soir même de la cérémonie du baptême, une bande de musiciens et de jongleurs traversa fort à propos le village. Les gens de la fête leur firent quelques libéralités. Pierre en interrogea quelques-uns. Le chef de la troupe était espagnol. Pierre le fit aussitôt entrer chez lui. On remarqua qu'il resta près d'une heure enfermé avec cet homme, qui s'éloigna ensuite, muni d'une bourse assez bien garnie. Deux jours après, Pierre annonça à sa famille qu'une affaire de commerce l'appelait en Picardie, auprès d'un de ses anciens associés, et il partit en effet pour s'y rendre, promettant d'être bientôt de retour. Ce fut un jour terrible pour Bertrande que celui où elle revit cet homme. Elle était seule auprès du berceau de son plus jeune enfant, ne songeant qu'à épier l'instant du réveil, lorsque la porte s'ouvrit et que Pierre parut. Dès que Bertrande l'eut envisagé, elle recula par l'effet d'une crainte instinctive, car la physionomie du vieillard avait quelque chose à la fois de méchant et de joyeux. C'était l'expression de la haine satisfaite. C'était la rage unie au triomphe. Son sourire faisait peur. Elle n'osa l'interroger d'abord et lui fit signe de prendre un siège. Mais il marcha droit à elle et, levant la tête, il lui dit d'une voix forte « À genoux, madame, et demandez pardon à Dieu. » La jeune femme le regarda fixement. « Pierre, êtes-vous insensé? Vous devez savoir si j'ai ma raison. Demandez pardon, moi? Et de quelle faute au nom du ciel? Du crime dont vous êtes la complice. Un crime? Expliquez-vous. » « Oui, » reprit Pierre avec un ton d'ironie. « Une femme se croit innocente lorsqu'elle a dérobé le péché à tous les yeux. Elle pense que la vérité n'éclatera jamais et sa conscience s'endort dans l'oubli de ses fautes. En voici une qui croyait les siennes bien cachées. Le hasard l'a favorisée. Un mari absent, mort peut-être, puis un autre homme si semblable de taille, de visage et de manière, si bien dressé à son rôle que tout le monde devait s'y méprendre. Qu'y a-t-il d'étrange à ce que cette femme s'y laisse volontiers tromper aussi? Faible, sensible, ennuyé du veuvage. » Bertrande écoutait sans comprendre. Elle voulut interrompre Pierre. Il continua. Elle pouvait, sans rougir aux yeux du monde, accueillir cet étranger, lui accorder le nom de son mari, lui en donner les droits. Elle pouvait se dire fidèle en étant coupable, paraître constante dans son changement même, et concilier à la fois, sous le voile du mystère, son honneur, ses devoirs et son amour, peut-être. « Mais que voulez-vous dire ? » s'écria la jeune femme en joignant les mains avec anxiété. « Que vous favorisez l'imposture d'un homme qui ne fut jamais votre mari. » Frappée d'une commotion violente, Bertrande chancela et se retint au meuble le plus voisin. Puis, reprenant des forces contre une attaque si étrange, elle s'avança vers le vieillard. « Qui ? Lui ? Mon mari ? Votre neveu ? Un imposteur ? Ne le saviez-vous pas ? Moi ?» À ce cri qui partit de l'âme, Pierre vit bien qu'elle n'était pas instruite et qu'il lui avait porté un coup imprévu. Il reprit alors avec plus de calme. « Quoi ? Vous aussi, Bertrande, il vous aurait trompé ? Ah, Pierre, vos paroles me font mourir. Vous me torturez à plaisir. Plus d'obscurité, plus de mystère. Que supposez-vous, que savez-vous? Dites-le ouvertement. Vous aurez du courage ? J'en aurai, dit la pauvre femme toute tremblante. Dieu m'est témoin que j'aurais voulu vous cacher la vérité, mais il faut vous l'apprendre, ne fût-ce que pour sauver votre âme, engagée dans un piège affreux. Il en est temps encore si vous suivez mes conseils. Écoutez-moi, l'homme avec qui vous vivez, celui qui a pris le nom de votre mari, ce prétendu Martin Guerre, enfin, n'est qu'un fourbe, un faussaire. Qu'osez-vous dire ? Ce que j'ai découvert. Oui, j'avais un soupçon vague, un pressentiment inquiet, malgré le prodige d'une ressemblance frappante. J'hésitais involontairement. J'avais peine à retrouver en lui le sang de ma sœur. Et le jour où il a osé lever la main sur moi, ah, ce jour-là, je le condamnais dans mon âme. Le hasard s'est chargé de me justifier. Un vagabond espagnol, un ancien partisan qui passa un soir dans ce village, s'était trouvé de sa personne à la bataille de Saint-Quentin. Il y a vu Martin Guerre grièvement blessé à la jambe d'un coup d'arquebuse. Après l'action, blessé lui-même, il s'est rendu dans un village voisin. Et là, il avait entendu le chirurgien déclarer à haute voix que le malheureux couché dans la chambre voisine devait subir l'amputation et que probablement il n'y survivrait pas. La porte s'ouvrit, il vit le blessé et reconnut Martin Guerre. Voilà ce que m'apprit l'Espagnol. Guidé par ses renseignements, je prétextai une affaire. Je me rendis dans le village qu'il m'avait indiqué. J'interrogeai ceux des habitants qui pouvaient conserver d'anciens souvenirs. Et voici ce que j'appris. « Eh bien ?» demanda Bertrande, pâle et haletante d'angoisse. « Eh bien, la jambe du blessé a été coupée. »« Ciel !» Et suivant les pronostics du chirurgien, il était mort, disait-on, quelques heures après, car on ne l'avait jamais revu. Sous le coup d'une telle révélation, Bertrande resta quelques instants anéantie. Mais, repoussant bientôt ses terribles idées, « Non, oh non !» s'écria-t-elle. « C'est impossible ! C'est une fable inventée pour le perdre, pour nous perdre tous !»« Quoi ? Vous ne me croyez pas ?»« Non, jamais !»« Ah ! Dites plutôt que vous feignez de ne pas me croire. La vérité est rentrée dans votre âme, mais vous voulez encore la repousser. Songez, vous dis-je, à votre salut éternel. Malheureux, taisez-vous. Non, Dieu n'aurait pas voulu m'éprouver ainsi. Quelle preuve, quel indice à l'appui de vos paroles? Les témoignages dont je vous ai parlé. Pas d'autres? Non, pas d'autres encore. Belle preuve, en effet, le récit d'un vagabond qui aura flatté votre haine pour tirer de vous quelque argent. Les rumeurs d'un village, des souvenirs de 10 années, et enfin, votre parole à vous, que la vengeance seule fait agir, à vous qui avez juré de lui faire payer cher les mécomptes de votre cupidité, et dont toutes les passions sont acharnées. Non, Pierre, non, je ne vous crois pas, je ne vous croirai jamais. D'autres seront moins incrédules, peut-être, et si j'accuse trop l'imposteur, je vous démentirai. Et s'avançant avec énergie, l'œil brillant d'une sainte colère. « Sortez de cette maison, sortez !» ajouta-t-elle. « Car l'imposteur, c'est vous !»« Ah ! Je saurais bien vous convaincre tous et vous faire tout avouer !» s'écria le vieillard furieux. Il sortit, et Bertrande, accablée, se laissa tomber sur un siège.